Et si baptiser l'enfant conjurait le sort? Et si le confier à un dieu, qu'on y croie ou non, pouvait le sauver? Depuis qu'ils sont rentrés des USA, Maxime continue ses entretiens avec le responsable de l'église scientiste chrétienne. Ils se parlent pendant 10 heures au téléphone et prient ensemble. Tout cela se passe derrière des portes closes, à l'abri des oreilles sceptiques. Pendant ce temps, Faustine s'occupe de leur fils jour et nuit et ne voit aucun progrès, bien au contraire. Ses capacités de succion s'amenuisent. Faustine passe toujours 8 heures par jour à le nourrir, mais le généraliste de l'hôpital de Limoges ne veut pas entendre parler de son gastrique. Pourtant, il ne connaît rien à cette maladie orpheline et ne semble pas s'y intéresser. En écoutant de loin son mari au téléphone, Faustine se demande mesquinement combien ça va coûter tout ça au final. Elle a entendu parler de ces sectes qui se font des fortunes sur le dos des pauvres naïfs. Si elle a bien compris, les communications sont tarifées, pas seulement pour la compagnie des téléphones, mais aussi pour la personne à l'autre bout du fil. Alors, au cours de ses premiers jours sur sol français, la seule chose qui change réellement est son regard sur Julien. Ce n'est plus elle qui mène la barque, mais lui. Il lui a ouvert le cœur et l'esprit, par la simple force de son sourire. Cet enfant est charismatique, il irradie l'amour. Que ce soit avec les yeux, les volatiles mouvements de ses minuscules mains, ou son babil incessant et incompréhensible, sauf lorsqu'il souffre, il ne cesse de communiquer. Faustine ne s'attendait pas à ce don du ciel. Jamais elle n'aurait imaginé recevoir une telle leçon. Bien sûr, au début, elle n'en a pas vraiment conscience. Mais peu à peu, elle se sent habitée par un rayonnement qu'elle ne peut que qualifier de divin. Comment? Elle devrait passer son temps à se morfondre, à pleurer, attendre que le ciel lui tombe sur la tête? Bien au contraire. La voilà qui s'amuse des facéties de son bébé, qui chante, rit, profite de chaque seconde de bonheur. Maxime, comme convenu, monte à Paris. Le bureau l'attend. Il ne peut rester indéfiniment en vacances. Il charge Faustine de contacter le père Jean afin d'organiser le baptême de Julien. Qu'elle ne s'inquiète pas, il continuera à appeler le responsable de l'église. Faustine contacte Jean à Verdelais où il coule une retraite bien méritée. Depuis qu'elle a travaillé pour lui à Paris en 1979, ils n'ont jamais perdu le contact. Jean est même venu les voir aux USA au tout début des années 80. Faustine avait dû à cette occasion lui trouver une église ou dire sa messe quotidienne et il l'avait contrainte à y participer. Elle en rit encore en lui rappelant l'anecdote avant de lui expliquer la situation. La réponse ne se fait pas attendre. « Écoute, ma petite, je veux bien venir baptiser ton fils parce qu'il est malade et parce que ton mari est catholique. Mais normalement, étant donné que tu n'as même pas fait ta première communion, je ne devrais pas. Tu comprends, mécréante ?»« Oui, Jean, je comprends. Si tu souhaites que je la fasse, ma communion... » »« Non, bougresse !» L'église n'a pas besoin de parjures, encore moins d'hypocrites. « Ne t'inquiète pas, je le baptiserai, ton Julien. Préviens-moi dès que vous saurez quand vous pourrez venir me chercher, que je me prépare. »« Bien sûr, Jean. Sitôt que Maxime nous aura trouvé un logement et que je l'aurai approuvé, on t'appelle. » Pendant que Maxime continue ses recherches entre bureau et hôpital, Faustine coule quelques jours tranquille à Saint-Junien entre son fils et sa belle-mère. Un après-midi, cette dernière propose de concrétiser sa promesse de se rendre dans une fabrique de porcelaine afin que Faustine choisisse un service. Elle lui a fait cadeau d'une ménagère, un ensemble de couverts pour 8 personnes. Elle aimerait bien que Faustine profite de son passage dans la région pour remplir son vaisselier. La cousine Joëlle les conduit à l'usine. Dans la salle des bonnes affaires, Faustine s'extasie devant les plats, les assiettes, les services à thé ou à café. Toutes ces pièces écartées pour cause de défauts et vendues à bas prix. Le jeu consiste à assembler un service de table complet pour 8 personnes. Quelle chasse au trésor! Il ne lui faudra pas moins de 3 heures pour trouver son bonheur. Comme d'habitude, l'effort remplace le cash. Faustine s'en sort avec 700 francs, le quart de ce qu'aurait coûté du neuf. Deux jours plus tard, Maxime téléphone. « Ça y est, je nous ai déniché une maison. Je descends ce week-end. On remonte ensemble lundi. Comment va le titounet ?»« Il va bien en ce moment. Je lui ai trouvé un gentil kiné qui vient le masser une fois par jour. Et l'infirmière ?»« Elle passe trois fois par semaine. Elle trouve qu'il évolue normalement. » »« Parfait. On va pouvoir organiser la même chose ici. Tu as pu joindre Jean ?»« Oui, je dois seulement lui dire quand on passera le chercher. » « Organise-toi pour samedi en 8. »« Je m'en occupe. Tu as pu joindre le scientiste ?»« Je l'ai appelé tous les soirs depuis le bureau. »« Mais il va bientôt me donner le numéro d'une dame qui vit à Neuilly. »« Ce sera plus simple et moins cher. »« Je t'embrasse. »« À vendredi. Je t'aime. »« Moi aussi. À vendredi, mon amour. » Vendredi soir, Faustine est impatiente de montrer son nouveau service de Limoges à Maxime. Son fils dans les bras, il approuve avec force aux remarques appréciatives le choix de son épouse. Depuis les assiettes à soupe jusqu'au coquetier, rien ne manque. L'ensemble très sobre est d'un blanc éclatant. Le samedi, invités chez leurs cousins Vivette et Marcel Barrière, ils participent à un repas convivial. Toute la famille s'est réunie pour les entourer dans leur épreuve. On n'en parle pas, mais les regards suffisent. Dimanche après-midi, après moult embrassades, il confie Julien aux bons soins de sa grand-mère et prennent la route de Paris. Les 450 kilomètres sont parcourus en moins de 5 heures. Il passe la première nuit à l'hôtel d'Albe, rue de la Huchette, non sans un saut préalable au petit journal Saint-Michel, un peu avant minuit. Demain, l'agent immobilière leur fera visiter les 3 logements que Maxime a repérés. Ils sont tous situés en vallée de Chevreuse. Le 3e choix est le bon. Une petite maison mitoyenne à Saint-Rémy-les-Chevreuses, occupée pendant 15 ans par un couple d'instituteurs qui vient de partir à la retraite dans le sud de la France. Elle comporte 7 pièces, un garage, un petit jardin devant et un autre plus grand derrière. Immédiatement, Faustine se sent chez elle. C'est cher? 5 000 francs par mois. Pour l'instant, ils ne veulent pas vendre. Peut-être plus tard. Tant mieux, ça nous donnera le temps de réfléchir et de faire des économies. L'hôpital est loin. Orsay est à 20 minutes en voiture, 40 en train. Le centre hospitalier est en face de la gare. On fera avec. Et depuis ici jusqu'à la gare? Un petit quart d'heure à pied. Il y a un pédiatre à proximité? Il y en a une à l'autre bout du village. Oh, et bien sûr tous les commerces habituels. Poste, boucherie, boulangerie et un grand marché sous le couvert à côté de la gare tous les samedis matins. Ok, on la prend chérie? Oui, c'est la meilleure solution. Si vous le souhaitez, étant donné que la maison est vide, vous pouvez passer signer le bail à l'agence. Je vous donne les clés dans l'heure. Je le ferai partir du 1er août, même si vous entrez un peu avant. Et pour le téléphone et l'électricité? Vous avez le temps de vous adresser à la commune avant qu'il ferme pour les vacances. Il faudra tout rebrancher, mais vous avez de la chance, votre voisin d'en face est conseiller communal. Je le connais bien, je vais lui parler de vous. Il accélérera les choses. Il a 4 enfants. Vous verrez, il est un peu fou, mais sa femme et lui sont très sympathiques. Le reste de la journée se passe en obligations administratives. L'inscription à la mairie, les services municipaux, EDF, GDF... Le parcours du combattant habituel. Ce jour-là, ils n'ont pas le temps de trouver un matelas avant la fermeture des grandes surfaces. Tant pis, ça sera pour demain. Maxime, refusant d'investir une nuit de plus dans une chambre d'hôtel, ils dorment sur la moquette de leur chambre. C'est affreusement inconfortable pour Faustine, qui rouspète tant et plus et ne ferme pas l'œil de la nuit. L'angoisse l'étreint, les pensées tournent en boucle, sont tout petits. Son bébé va mourir. C'est désormais une certitude. Elle ne se fait plus aucune illusion. Cela peut arriver à tout instant. Nul ne sait le jour ni l'heure. Savoir, ne pas savoir, quel est le plus cruel? Que ferait-on si on savait? Sûrement qu'on vivrait autrement. Faustine s'interroge encore, alors que les lueurs de l'aube teignent les vitres en bleu. Cette nuit-là, elle a eu tout le temps d'admirer leur chambre. C'est la seule de la maison à être joliment tapissée. un fond bleu indigo constellé de motifs clairs figurant un ciel étoilé. La tapisserie recouvre les deux pans du toit, si haut et pointu qu'on se croirait allongé sur le pont d'un navire, sous la voûte céleste. Tous les autres papiers peints sont d'époque, c'est-à-dire années 70. Pas carrément moches, non, mais tellement kitsch avec leurs grosses fleurs oranges ou leurs éléphants bleus qu'elles irritent les yeux. « Ne t'en fais pas, on les changera, » déclare Maxime. « Je te promets que nous nous ferons une maison superbe. J'ai déjà plein d'idées pour l'aménager. » « On pourra commencer par aménager la cuisine. Je n'ai vu ni four ni frigidaire. » « Évidemment, c'est prioritaire. Avant de redescendre à Saint-Julien, on commande un matelas. Le reste suivra. L'essentiel est fait, nous avons un toit. Dépêchons-nous d'aller baptiser Julien et de revenir. » J'ai hâte de poser nos bagages. Tu crois qu'on supportera encore de vivre dans cette maison quand Julien ne sera plus là? Je ne sais pas. Nous n'en sommes pas encore là. L'important, c'est qu'avant de partir, ils vivent dans un environnement chaleureux et confortable.